Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Et jason, parce que Stéphanie, tu vas être d'accord avec moi, mais à un moment donné, quand on parle de DVD, OK, il y a tout le temps, répétez ensemble, chantez avec moi le nom de la collègue, il y a tout le temps de quoi? La vie est faite de moi, t'es pas joie, soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt, il y a tout le temps de quoi? La vie est faite de moi, t'es pas joie, soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. François, t'as l'air dégoûté quand je commence à parler de « Y'a tout le temps de quoi ». Non. Non. Comme « Y'a tout le temps de quoi ». Encore du chialage. Non, je suis habitué, t'as fait. On s'habitue à ça. Stéphanie, « Y'a tout le temps de quoi », tu me diras si t'es contre pour l'idée. Là. Les coffrets DVD, sérieusement, tu vas dans un magasin de grande surface. Là. Puis là, t'as un coffret DVD genre des saisons 1 à 9 de Smallville. Dans une boîte, bien produit, on dépense des millions là-dessus. Mais pourquoi acheter ça? La série n'est pas finie. La saison 10 va sortir en septembre prochain. Tu sais, tu te fais fourrer, tu sais très bien que tu te fais fourrer, puis tu le fais de ta propre volonté. C'est vraiment horrible, je suis tout à fait d'accord. J'ai vu le coffret saison 1 à 3 de Big Bang Theory. Genre, c'est même pas fini. Non, mais non, il en reste plein des saisons de ça. Pourquoi? Dis-moi, t'espères. Mais ouais, c'est ça. Mais je comprends l'utilité de peut-être vouloir acheter un coffret moins cher parce que tu veux t'étaper avant la saison qui va commencer à l'automne. Peut-être que ça, il y a peut-être un marché pour ça. Mais sérieux, attends. Tu sais, attends au pire que la série soit finie. Puis même non? À ça, là, c'est pas tout le temps moins cher quand t'achètes un coffret. Comme, admettons, le coffret de Friends, là. Ouais. Tu peux trouver une saison de Friends pour 15$. Tout à fait, mais au moins Friends a l'avantage que la série est terminée, donc tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres. Et si tu achètes la caisse, ça vient avec une belle petite valise en genre de faux cuir, là, ça ressemble à un divan. Non? Moi, j'aime pas ça, les coffrets, parce que j'achète beaucoup de séries télé. Fait qu'il me faut une étagère à séries télé. Fait qu'il faut tout qu'il soit de la même grandeur, ouais. Mes séries, pour qu'ils fitent dans mon étagère. Puis un coffret, c'est gros, ça prend de la place, faut que tu le mettes ailleurs en vue. Mais ça qu'ils veulent, que tu le mettes dans ton salon, hein, sa bibliothèque, là, toute cute, t'sais. En même temps, c'est ouais, pas très beau. Ça, ouais. T'sais. Ouais. Je sais pas. Coffret de saison non complète, non. Non. C'est un peu comme Glee, mettons, quand ils ont sorti le DVD, de seulement la première partie de la première saison et la deuxième partie de la première partie de la deuxième saison. Entourage fait la même chose. Ouais. Je sais pas si tu connais l'émission Entourage. Ouais, un peu. Mais ils ont fait la même chose. T'achètes, ça te coûte 30$, puis là, tu te rends compte en arrivant chez vous que c'est la deuxième saison, partie 1. Ils font exprès. Mange de la colle. C'est ça. Ben, ils font exprès, c'est sûr, Karim. Ça doit être tellement payant, là. Ça doit être. Oh. Ouais, parce qu'à un moment donné, il manque de titres, ouais. Peut-être, à vouloir sortir sur DVD et puis à créer. tu te niaises avec ton micro, c'est super le fun. Mais. Non, mais j'aime pas ça, la façon que les compagnies, on dirait, font exprès pour faire de l'argent sur le dos du monde, qui après ça vont leur en vouloir et peut-être l'achèteront pas, la série après ça. Parce que peut-être qu'après ça, tu n'achèteras pas le coffret de la 10e saison, tu vas te contenter des 9 premières, puis t'attendras que l'autre soit en spécial ben plus tard, non? Ouais, non, mais c'est sûr, mais comment tu veux n'en vouloir à une compagnie quand c'est toi qui l'as acheté? Oui, tout à fait, exactement. Bon point, les gens ne se renseignent pas et savent peut-être pas qu'il y a une éventuelle 10e saison de Smallville, mettons. Ouais, non, mais tu sais, mettons, la grand-mère qui pense à sa fille qui écoute ça, ouais. elle se casse pas la tête. Là. Elle n'a pas le goût de se casser la tête. Puis en même temps, elle a le goût de trouver quelque chose. Donc si c'était comme pas sur le marché, j'excuse à rien. Non, tu défends bien, par exemple. T'as un bon côté avocat du diable. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Mais tu sais, en fait, si vous achetez-les tout simplement pas, puis ils vont peut-être arrêter d'en faire. T'sais. Ah, bon point. On va continuer de pas de l'acheter, nous autres. 1 à 9 de Smallville, c'est n'importe quoi. C'est vraiment vrai, là, en plus. Là, j'ai vraiment vu. Moi, j'ai mes belles saisons 1 à 9 toutes linées. Là. Pas besoin du coffret. Non. Ça m'a coûté très cher aussi. Là, mais... ouais, c'est ça. Ça, faut pas dire. On sait pas si t'as économisé avec le coffret. Mais bon. Ouais, ça m'amène à parler d'une autre affaire, par exemple, rapidement. C'est moi ou le nouveau slogan de... Là, on nommera pas la place, là, mais mettons, t'sais, mettons, imaginez-vous une usine du futur, mettons. Une usine du futur. Mettons, ouais. Un magasin d'électronique, mettons. Là. Vous trouvez pas que leur nouveau slogan, il fait vraiment cucu? Sérieusement, pensez-y, là, c'est... le slogan, c'est « Tripant à donner, capotant à recevoir ». Ben, je sais pas de quoi tu parles. Futur ça, Shop, non, mais ça va, non? Futur Shop. Futur Shop, okay. Slogan, on va le mentionner, ça, tant qu'à ça. Non? Mais je sais pas, je l'ai même pas vu, je l'ai même pas lu, je l'ai même pas... OK, ben, c'est ça. « Tripant à donner, capotant à recevoir ». C'est tout. C'est poche. Ben, je sais que c'est poche. C'est vraiment poche comme. Ils essayent de viser les jeunes, mais les jeunes seront tellement pas. Non, je pense pas qu'ils vont se sentir. Puis les jeunes n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, tu sais. C'est pas les jeunes qui vont acheter une TV 50 pouces sur le shop, là. Non, c'est ça. Même s'il y en avait une vraiment pas chère dans l'entrée, en fait, ça met. Ah ouais, pour vrai? Moi, ce que ça me rappelle, tout ce que ça me rappelle. Yeah, c'est meilleur, tu sais. Oh yeah! Oh yeah! Capoté! Capoté! Hey, let's go! C'est trippant à donner, c'est capotant à recevoir. C'est tout ce que ça me. C'est le fond au bout, c'est sharp à l'os, je dirais. Ouais. C'est ça. Ça me rappelle des souvenirs, ça? Ok, moi j'étais trop jeune pour écouter ça, là. C'est ma mère qui écoutait ça. Est-ce que t'as acheté les coffrets DVD? Non. Ils sont pas chers. Y en a-tu pour vrai? Oui, y'en a. Oh. Mais c'est seulement les meilleurs épisodes. Fait que ceux qui veulent les 100 épisodes qu'il y a eu dans une année, non, dommage pour vous, non? Genre, c'est les 25 meilleurs. Pour vrai? Je sais pas. Ouais. C'est bien lettre. Je sais. T'achètes un coffret et t'as juste les meilleurs épisodes. Tu peux même pas suivre les histoires. Non. Mais en même temps, ça doit très bien suivre. Mais c'est comme Virginie. Hey, tu peux pas. Sors un coffret DVD de Virginie. Tu peux pas. C'est un truc. Tu sais qu'il a le goût d'acheter ça. Il vend ça dans un camion. Non, mais ça revient au même, tu sais, dans le sens que Watatata, c'était aussi tous les jours. C'était du lundi au jeudi, c'est ça? Ouais, il me semble. Comme Virginie, je pense. Ouais, à peu près. C'était l'ancêtre, si on veut. Ça nous ressemble, c'est de même. C'est toi, c'est moi, puis c'est nous autres. C'est toi, c'est moi, c'est nous autres. Yeah! C'est fromager à souhait. Par rapport. Wow! Tu sais qu'on se tape la version longue de l'intro, là. On n'entend pas ça souvent à la radio, là. J'aime donc bien ça. Ouais, le lien est sur assemblagerequis.com si vous voulez voir. Sur YouTube, ça? Ouais, c'est sur Google Vidéo, mais ouais, okay. Pas mal la même affaire. Et l'intro, très, très trip d'acide, hein, c'est vraiment. étrangement, là, du début à la fin. Là. C'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes. Un beau 2 minutes 43, sérieusement. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Attendez pas à ça, maintenant. Moi, ça m'a fait du bien. Ouais. Pas pour vous autres, là, mais moi, je suis soulagé d'avoir parlé de ça. Hein. Ouais. C'est à peu près ça pour mon chien là. Je trouve merci, que c'est merci. Là, ça fait du bien. C'est peace. C'est comme péter un bouton. Ça fait du bien. Ouais. C'est moins dégueulasse ça. Que. Ben, sur l'heure du déjeuner, parler de ça, c'est vraiment toujours, toujours gagnant. Et qui te dit plaisir. Mais je suis. Hey Mathieu! François Olivier! Hey Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnottes dans notre bureau. Ben depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Requis construisait notre journée avec des matériaux de qualité, ben je fais livrer un camion de garnottes puis un camion de béton par semaine, c'est juste pour aider, je suis fin de même. Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité c'était les chroniqueurs puis la musique? Ah, ça... Ça a bien du sens comme slogan, ça, hein? Hey, pis toute ta patente, là, ça nous a coûté combien, ça, là? Hey, man, qu'est-ce que t'as mangé à ma tête? Tu sens bon, là? Assemblage requis, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, à C'est fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui.